pute. Back to the future. J'ai dit pute. Cosette. Il se met barbare. Tout le fuck. Panam. K, double, autant. T'es foncé comme pite, t'es mort, t'as vu la vache. Tu plus grave la merde quand t'as ça son gavage. Je suis sur le corner, j'ai dû dérober. Et la recette que j'ai dû dérober. Viens commettre un carnage. Si je t'intercepte, je vais pas te trapoter. Dans ton salon de beauté, j'accomplirai ma tâche. Si t'interprètes le rôle du perroquet, les gros systèmes, ils nous manipulent. On va blesser juste pour quelques milligrammes. Je suis pété, je prends le billet et je guette le filigrane. Même en hiver, dans reposer la canne. Je suis trop pépé, un arnaud, je suis sous l'aise. Dans ton lit, t'assumes pas la pression. Là, tu périmètes. Force de leur cadre, le périmètre. Y'a ceux qui poussent à vous et ceux qui poussent être en lit. Pas de bouche contre cette squelette. Dans ma tête, c'est la guerre territoriale. La guerre territoriale. Que j'entends pas que c'est démoniaque. Comme mon verre, mais du cognac. N'appliqué sur Paname comme les chevaliers du Zodiac. Environnement traumatisant. Malaxé le grognac, malaxé le grognac. Quand Polo se fait la passe, belle et calarme, Michel Labat. Belle et calarme, Michel Labat. Le putain quand Polo se fait la passe. Belle et calarme, Michel Labat. Belle et calarme, Michel Labat. Belle et calarme, Michel Labat. Le putain quand Polo se fait la passe. J'ai encore les fourgules, mis à part celui de Nicky. Te comparer comment oses-tu de la type oses-tu, tu me mets pas hostile. Je sais pas ce que l'avenir me réserve, donc laisse-moi faire. Enlève tout de peu ta pute, laisse-moi faire. Wesh, les gars, j'ai retrouvé où tu nais. Il veut bébé double A dans le mec de ma gueule. T'as reconnu mec que tu nais. C'est que ça n'étonne pas mal ici. La passion dans la banalise. Juste 1 million, 2 millions, voire 3 millions suffiront pour me canaliser. Ouais, c'est là, dis-moi qui peut rivaliser. Zombie. Visage assombri, même sous ma bushka, tu me reconnais même à je suis au fond dans la part. Marché mon odeur assorti avec mes sapis si je te crois dans le pas. Sale pute, je pense que t'es pas prêt d'en sortir. Si tu veux tirer dur, mais comment tu parles de ton lit, t'as pas quoi investir. Ce négro c'est une pute, vaut mieux qu'il aille se travestir. K-double à Jack, mais soir côté averti. Le putain qu'au boulot se fait la passe. Belle et calarme, Michel Labat. Belle et calarme, Michel Labat. Le putain qu'au boulot se fait la passe. Belle et calarme, Michel Labat. Belle et calarme, Michel Labat. Belle et calarme, Michel Labat. Le putain qu'au boulot se fait la passe. Ils viennent de libérer Bendé. Je prie Pablo K qui est enfermé. Pas de type pour ces putes. Si c'est attrape, je les veux. Bendo, bendo, je parle pas de quête. Je suis toujours au checker avec mes gaspettes. Flogo, tu n'as pas de zéo, ma belle, il va pas te sortir de la tête. 9-3-7, ça kiffe, putain, de fusion. C'est but, je remercie juste après la fusion. L'argent du plus n'est pas une illusion. Je rencontre la distance, c'est comme une addiction. Plus c'est dégueu, plus ça blesse. Vends du shit, et je suis du pédo. J'enroule un voile d'un TLP2. Et je blesse, l'été en hiver. Si me baisse, donc je les baisse pour de vrai. Sur tes fesses, je perds la fichette. Je l'oseille à toutes ces puces sans me faire buter. 75-0, c'est le 17 en menu. Le jour de veille investit la dinette. Appelle-moi après que je t'apprenne à dealer. Je le putain qu'au boulot se fait la passe. Belle et calarme, Michel Labat. Belle et calarme, Michel Labat. Le putain qu'au boulot se fait la passe. Belle et calarme, Michel Labat. Belle et calarme, Michel Labat. Belle et calarme, Michel Labat. Le putain qu'au boulot se fait la passe. Ce qui veut ta tombe de cartouche. De base c'est comme ça que j'écris mes lettres. Quand c'est la voiture je vois tout comme Wade. Sinon pour quadriller le périmètre. Moi je suis sale sous vos têtes. Cramé comme une paire de TNPEC. On m'a dit pas tu es un homme bon. Mais je ne savais pas que je devenais nerveux comme Joe Petit. Je me tape comme Belmondo. La balle est partie tellement vite. Sur ton dos, sur ton dos. Tellement vite que tu n'as pas eu le temps d'entendre les échos. Pisse pas, pisse pas, pisse pas. Mais tu n'as pas eu le temps d'entendre les échos. Le plus tard qu'au boulot se fait la passe. Belle et calarme, Michel Labat. Belle et calarme, Michel Labat. Le plus tard qu'au boulot se fait la passe. Belle et calarme, Michel Labat. Belle et calarme, Michel Labat. Belle et calarme, Michel Labat. Le plus tard qu'au boulot se fait la passe. Une pute qui fait des fils de pute. C'est ce que ta grand-mère a pondu. Tu jacques, personne ne te connaît. T'es noir, paix à ton cul. Je compte aux oreilles, je peux dormir sur mes deux oreilles. Mais petit frère t'allume. Chérie, je t'aime, t'es mon soleil. Mais je préfère ta lune. J'en pas les couilles de tes valeurs. J'en bambis, j'étais du côté du chasseur. Tu peux me voir dans un de tes checks. C'est à cause de moi que quand tu sors, ta mère t'inquiète. Très très vilain garçon, pas reflet dans ton sillage. Fais un bisou au canon, mais pas avec les relais de ton visage. Vitre faut toujours teinter, je fais des AR pour mon empire. Les torts sont toujours baissés, je serai la lumière comme un vampire. Bitch, pas besoin qu'on s'entende, bitch, tu sauras qu'on s'entende. Bah, je te remonte au drive-by, reste. Le but c'est pour le c'est la base. Belle et calme, nous c'est la base. Belle et calme, nous c'est la base. Le but c'est pour le c'est la base. Belle et calme, nous c'est la base. Belle et calme, nous c'est la base. Belle et calme, nous c'est la base. Le but c'est pour le c'est la base. Tout c'est de 2 euros photo. 93 75.